Chapitre 21e, les visites. La trahison de Célestine Marbot avait été pour Octave de Vallombreuse un véritable chemin de Damas. Semblable à un panorama mobile, sa vie antérieure était passée devant ses yeux. Quelques minutes avaient suffi pour lui faire comprendre le rôle ridicule, honteux, qu'il avait joué auprès de cette fille sans cœur, et une métamorphose instantanée, complète, s'était produite chez lui. « Vous avez fait la lumière devant moi, mon cher Amaury, » disait-il au vicomte, tout en s'éloignant en grands pas de la rue de Courcelles, « et je vous dois plus que la vie, je vous dois l'honneur. Oui, je crois que les événements de cette soirée vous seront profitables, » répondit M. de Kerlusset. « Mais à présent que vous avez rompu avec votre passé, comment comptez-vous arranger votre avenir, mon cher Octave ? Mon parti est pris, je me ferai soldat. Bravo ! Si vous m'aviez demandé un conseil, c'est celui-là que je vous aurais donné. La rude vie des camps vous fera perdre les habitudes malsaines de l'oisiveté, et avant peu, je vous en réponds, vous ne vous reconnaîtrez plus vous-même. » Le vicomte, tout en prononçant ces paroles, se trouvait devant l'hôtel du Bon-la-Fontaine, où il avait loué un modeste appartement. Il sonna, et la porte s'ouvrit. « À demain, » lui dit le jeune duc, en se disposant à le quitter. « Où diable voulez-vous aller à pareille heure ?» lui demanda Amaury. « J'ai la clé d'entrée du jardin de ma mère, » reprit Octave. « Cher ami, je vous ai et je vous garde, » répliqua Kerlusset. « Je possède deux chambres et l'une d'elles vous attend. Venez donc. » Et sans attendre la réponse de son compagnon de route, il le fit passer devant lui et referma la porte de l'hôtel. La soirée qui venait de s'écouler avait été grosse d'émotions de toutes sortes pour Amaury et surtout pour Octave de Vallombreuse. Leur cerveau, aussi bien que leur corps, avait besoin d'un repos réparateur. Aussi ne tardèrent-ils pas à s'endormir profondément. Le lendemain, sur les 9 heures du matin, Kerlusset frappa à la porte de la chambre du jeune duc, puis il entra. Octave, réveillé en sursaut, regarda autour de lui d'un air étonné, et comme s'il se demandait où il était et chez qui il était. « Oui, oui, je me rappelle, » dit-il bientôt. « Debout, paresseux, » répondit Amaury en souriant. « Vous avez un quart d'heure pour vous habiller. » Puis il sortit de la chambre. Un quart d'heure plus tard, Octave faisait son entrée chez Kerlusset, qui venait d'achever sa toilette. « Partons, » lui dit ce dernier. « Où m'emmenez-vous ? Je vous le dirai en chemin. » Amaury avait promis à Ève et à Marcel de retrouver Octave et de le leur ramener. Il l'avait retrouvé et il le leur ramenait. Les deux sœurs accueillirent avec un double cri de joie leur frère prodigue conduit par le vicomte. Combien nous avons été inquiètes de ta disparition, méchant frère, dit Marcel, en se jetant au cou d'Octave et en l'embrassant en plusieurs reprises. Enfin, te voilà revenu, dit Ève en l'embrassant à son tour. Et cette fois, tu ne nous quitteras plus, n'est-ce pas, mon cher Octave? Non, non, chère sœur, murmura le jeune duc avec attendrissement. Pourquoi notre mère n'est-elle pas ici afin de partager notre joie? Reprit Marcel d'un ton de regret. Cette joie, elle la connaîtra bientôt, répondit Kerlusset. Octave part aujourd'hui pour la Haute-Savoie, et c'est moi qui présenterai à votre mère bien-aimée son fils rentré dans le droit chemin pour n'en plus sortir. Nous ne reproduirons point ici les 1000 petits détails de cette scène de famille. Tendres épanchements de cœur, rêves de bonheur formés pour un prochain avenir, tout cela fut discrètement exprimé par les regards qui se rencontraient sans avoir l'air de se chercher, ou par certaines phrases qui le plus souvent demeuraient inachevées, mais dont le sens suspendu était compris de tous. Enfin le moment des adieux arriva. « Reviens-nous bientôt avec notre chère mère, » dit Ève à Octave, dont elle pressait les mains, puis se tournant vers Amaury. « Et vous aussi, » ajouta-t-elle avec un sourire significatif, « revenez-nous avec eux. » « Et surtout ramenez-nous M. Maurice de Lavernay, » dit vivement Marcel, en tendant sa petite main aristocratique au vicomte de Kerlusset. Kerlusset, en sortant de l'hôtel de la rue de Varennes, au lieu de s'en retourner chez lui, se dirigea vers la rue de Bourgogne. « Où donc allez-vous ? » lui demanda Octave. « Je vais entrer, cher ami, dans un cabinet de lecture, » répondit Amaury. « Vous voulez lire les journaux ? » ?»« Non pas. J'ai à chercher dans l'almanach bottin l'adresse d'un avocat, auquel je désire parler avant notre départ. Un avocat ? Auriez-vous un procès ? Dieu m'en garde ! Alors qu'allez-vous faire chez cet avocat ? Un renseignement que j'ai à lui demander. Savez-vous au moins son nom ? Dit Octave en riant. Il s'appelle Maître Maxou. Maître Maxou ? Oui. Mais je sais où il demeure. Vous le connaissez, dit Kirlussez surpris. Je suis allé le consulter lors de ma mise en interdiction, et c'est lui, avant vous, mon cher Amaury, qui m'a fait entendre la voix de la raison et du devoir. Par malheur, je n'en ai pas tenu compte alors, et sans vous, j'étais perdu. Puisque vous le connaissez, répondit le vicomte, conduisez-moi vite chez lui, puis vous irez m'attendre à mon hôtel. Maître Maxou compulsait le dossier d'une affaire assez importante lorsque le vicomte de Kerlusset fut introduit dans son cabinet de travail. Le jeune avocat se leva, fit quelques pas au-devant de son visiteur et s'arrêta tout à coup après l'avoir regardé. Il lui semblait que ce n'était pas la première fois qu'il le voyait. Mais dans quel lieu et dans quelles circonstances s'était-il rencontré? Il ne se le rappelait point. « Vous ne me reconnaissez pas ?» lui dit Amaury. « Oui et non, » répondit Maxou en l'examinant attentivement. « Uriage-les-Bains. »« Oui, oui, la mémoire revient. Uriage. »« Où ce pauvre duc de Vallombreuse ?»« J'y suis maintenant. Vous êtes le vicomte de Kerlusset. » »« En effet. De quoi s'agit-il » poursuivit l'avocat après avoir offert un siège à Amaury. « Voici, » répondit ce dernier. Vous avez été autrefois le défenseur d'une demoiselle Flavia Morin, accusée de tentative d'empoisonnement sur Madame la Duchesse de Vallombreuse. Et je n'ai pu obtenir son acquittement, reprit Maxou avec un accent de regret. Cette demoiselle a été graciée peu de temps après sa condamnation, je le sais. Elle est partie alors pour l'Amérique, où les hasards de la vie l'ont fait se rencontrer avec vous, chez Sir John Colfax, dont je suis devenu l'associé pour l'exploitation d'un lac de pétrole. Et mademoiselle Flavia Morin s'appelle aujourd'hui Miss Colfax. D'où savez-vous tout cela ? Dit Kerlusset étonné. J'ai revu Flavia depuis son retour en France, répondit Maxou. Cette circonstance, reprit Amaury, rendra plus facile le service que je viens vous demander. Ce service, quel est-il ? Mademoiselle Morin, autrefois pauvre et aujourd'hui immensément riche, se dit, à tort ou à raison, innocent du crime pour lequel elle a été condamnée. Après, ce n'est pas tout. Elle fait remonter à Madame de Vallombreuse la responsabilité de sa condamnation et elle est devenue le mauvais génie de la famille de la Duchesse. C'est sous son inspiration qu'une certaine Célestine Marbeau, après avoir ruiné le jeune duc de Vallombreuse, a tenté plus tard de lui faire hypothéquer son honneur. « Je connais la chose, » dit Maxou. Le pauvre garçon est venu me consulter au sujet et, interrompit Kerlusset, je vous remercie tant en mon nom qu'au nom de Madame de Vallombreuse des utiles conseils que vous avez donnés à son fils. Octave a rompu avec Célestine Marbeau. Bravo, fit l'avocat avec cette rondeur qui était un des côtés saillants de son caractère. Si la vengeance de Mademoiselle Morin se fût satisfaite de la ruine du jeune duc, poursuivit Amaury, je ne recourrai point à vous. Mais il n'en est point ainsi. Sa haine implacable menace la duchesse de nouveaux désastres plus grands que le premier. La pauvre mère, tremblante pour ses filles, m'a, dans un cri de douleur, appelé à son aide, et c'est pour cela que j'ai quitté l'Amérique. Maxou avait à plusieurs reprises tressailli en entendant les paroles accusatrices de Kerlusset, et son cœur s'était serré. Mais se dominant bientôt, il répondit d'une voix calme au vicomte : Que voulez-vous que je fasse en tout ceci ? Vous avez été l'avocat de Mademoiselle Morin, reprit Amaury, et il n'a pas dépendu de vous qu'elle fût sauvée. Elle doit vous garder une grande reconnaissance pour les efforts que vous avez tentés, et j'ai la conviction que si vous vouliez vous servir de l'influence et de l'autorité que vous devez avoir sur elle, vous obtiendriez qu'elle mît fin à la guerre criminelle qu'elle fait à la duchesse. Maxou redressa vivement la tête et un éclair traversa ses yeux. Ce que vous appelez guerre criminelle, monsieur le vicomte, répondit-il, n'est peut-être après tout que de légitimes représailles. Kerlusset comprit l'allusion. À son tour, il tressaillit. À son tour, son cœur se serra douloureusement et il se leva. « Que faites-vous ? » lui demanda le jeune avocat. « J'espérais, en venant chez vous, monsieur, trouver un médiateur entre Madame de Vallombreuse et Mademoiselle Morin, » répondit Amaury. « Je m'étais trompé et je m'en vais. » Se rapproche, formulé d'une voix ferme, quoique sans colère, avait été droit au cœur de Maxou et l'avait atteint dans ses sentiments de loyauté. « Mais je n'approuve point la vengeance de Flavia, » s'écria-t-il, « et j'essayais de l'en détourner. » « Enfin, que veut-elle ? Que médite-t-elle ? » reprit Kerlusset. « Ah, si vous le savez, au nom du ciel, apprenez-le-moi, et je parviendrai peut-être à soustraire la duchesse à sa vengeance. » Maxou ne répondit pas. Il réfléchissait. Que devait-il faire? Dénoncer les projets de Flavia? C'eût été une trahison. Les laisser s'accomplir? Mais n'était-ce point se rendre en quelque sorte le complice de celle qu'il aimait? « Je ne puis révéler un secret qui ne m'appartient pas, » dit-il enfin à M. de Kerlusset. « Mais si vous suivez le conseil que je vais vous donner, vous conjurerez le grand malheur. Que faut-il faire pour cela? Ne pas perdre une minute. Vous rendre sur le champ dans la Haute-Savoie, au village de Saint-André. C'est là que vous verrez Flavia Morin, ou plutôt Miss Colfax. Faites appel à ses bons sentiments, à la générosité de son cœur. Vos paroles trouveront en elle un écho. Et là où j'ai échoué, le succès vous attend. Mais si vous avez échoué, vous, son ancien défenseur, elle ne m'écoutera pas, moi, répondit Amaury. Elle vous écoutera, reprit le jeune avocat d'un ton convaincu. Et pourquoi moi plutôt que vous? Répliqua vivement le vicomte. C'est encore un secret qu'il m'est défendu de divulguer. Amaury, dont l'étonnement grandissait à chacune des paroles de Maxou, voulut parler. Maxou ne lui en laissa pas le temps. « Croyez-moi, faites ce que je vous dis, » continua-t-il, « autant que vous, plus que vous, monsieur de Kerlusset, je désire que vous réussissiez, et je le désire à ce point, que je partirai demain et que j'irai vous rejoindre au village de Saint-André afin d'agir de concert avec vous, si les circonstances l'exigent. » Puis, tendant cordialement la main à Amaury, « À bientôt, » lui dit-il. Le soir du même jour, le vicomte de Kerlusset et le jeune duc Octave de Vallombreuse partait par le train express de Paris-Genève.